Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Place des Fêtes, on roule pas. Place Clichy, on roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. L'agent voudrait se mettre au vert. L'opéra rêve de grand-père. À Cambronne on a des mots. Et à Austerlitz et Waterloo. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les taxis.